radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment doper le désir de science ? Le 22 août 1930, Albert Einstein prononça à Berlin une conférence qu'il conclut par ces mots : ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science et de la technologie, sans les comprendre plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devraient avoir honte. Fin de citation. Le père de la relativité se montrait là beaucoup trop exigeant, tant il est devenu impossible de se faire une bonne culture à la fois en physique des particules, en génétique, en climatologie, en immunologie, en cosmologie ou en algorithmique. On ne saurait donc réclamer que les citoyens soient parfaitement au fait de chacun de ces sujets. Les scientifiques eux-mêmes, qu'on a tendance à distinguer du grand public, ne sont en général compétents que dans et aux abords immédiats de leur discipline particulière. Pour toutes ces raisons, on ne saurait défendre une conception scolaire de la citoyenneté. Un citoyen qui ignore les sciences ou qui se proclame indifférent à elles n'est pas moins bon citoyen qu'un autre qui s'y intéresse. Reste que la diffusion des connaissances scientifiques demeure un enjeu politique au sens le plus élevé du terme. Notamment parce que c'est normalement aux citoyens qu'il incombe de discuter du type de compagnonnage que notre société souhaite établir avec les nouvelles technologies. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui, sur ces sujets, réclament des débats. Mais l'idée même de débat dans un monde d'opinion polarisée, avec peu de connaissances scientifiques, est difficile à mettre en pratique. Où tracer la frontière entre la vulgarisation scientifique, la consultation citoyenne et ce qui revient à l'exercice du pouvoir politique ? Un rapport du Conseil économique et social publié en octobre 2021, piloté par le regretté Daniel Cohen, a montré que la France est le seul pays d'Europe dans lequel le crédit de la parole scientifique a chuté durant la pandémie de Covid-19. N'importe-t-il pas de se demander pourquoi, de tirer toutes les leçons de ce que nous avons vécu alors, et ensuite de réfléchir collectivement aux façons de mieux diffuser les savoirs scientifiques. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Édouard Philippe. Bonjour. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes ancien Premier ministre, chacun le sait, vous êtes également maire du Havre. Et si vous me le permettez, je vais d'abord vous interroger en tant qu'ancien Premier ministre qui a eu à gérer les premiers mois de la pandémie de Covid-19 et dans un second temps en tant que maire du Havre, ville dans laquelle se déroule du 21 au 23 septembre 2023 un festival de vulgarisation scientifique qui s'intitule Sur les épaules des géants, que vous avez créé et dont France Culture est l'un des partenaires. Je l'ai dit, vous avez été Premier ministre du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, c'est-à-dire pendant un peu plus de 3 ans. Et j'ai une question presque personnelle, c'est comment est-ce qu'on se sent après avoir exercé aussi longtemps une telle mission, une telle fonction, physiquement, psychologiquement, est-ce qu'on est rincé, comme on dit ? Ou est-ce que, finalement, c'est un métier auquel on s'habitue ? J'avais coutume de dire qu'à Matignon, plus ça dure, moins c'est dur, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est le début qui est très difficile. Bon, le début dure longtemps, hein. Mais il y a un moment où, je crois que c'est, pour moi, c'était après 2 ans, où je dirais pas du tout que vous maîtrisez la totalité du métier ou du mandat, ou de la fonction plutôt, mais où vous avez appris tellement de choses que ça commence à devenir très utile. Et après, quand ça s'arrête, ça s'arrête. En fait, c'est très simple. Moi, j'ai eu la chance de... Quand ça s'est arrêté, j'ai recommencé à être maire du Havre. J'ai pris des longues vacances. Puis j'ai recommencé à être maire du Havre. J'ai fait ce que j'aimais. Et donc, ça allait très bien. Mais la diversité des sujets qu'on a à traiter est tellement grande qu'on a l'esprit qui doit être constamment sollicité. En fait, la chose qui manque le plus, au-delà de la convivialité qu'on peut avoir avec les membres de son équipe, qui compte, et la chose qui manque le plus lorsque vous partez de Matignon ou lorsque vous quittez ce type de fonction, c'est que vous êtes, du jour au lendemain, coupé de la masse d'informations qui vous remontent et qui sont souvent des informations de bonne qualité. Alors attention, qu'est-ce que je veux dire quand je dis informations de bonne qualité? Vous avez, quand vous êtes à Matignon, bah vous avez les télégrammes diplomatiques, les notes des services, les notes de tous les ministères, de tous les cabinets qui, sur des points précis qui vous intéressent, vous sont capables de vous expliquer dans le détail tel ou tel sujet. Et ça fait une masse d'informations qui s'arrête brutalement, comme c'est normal d'ailleurs. Mais c'est peut-être la seule chose qui manque vraiment, je crois. Parce que l'information qu'on a à travers la presse est d'une nature assez différente. Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire, comme d'autres, que Matignon, c'est un enfer? Non, j'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Je sais très bien pourquoi Rocard l'a dit pendant qu'il était Premier ministre. Il avait quand même il était confronté à une situation où le président de la République ne l'aidait pas beaucoup, où il y avait une majorité relative. Donc c'était, je crois, assez difficile. Moi, non, je crois que c'est pas du tout un enfer, c'est un honneur. C'est formidable de pouvoir exercer des fonctions de cette nature, d'avoir la chance de participer à la vie de son pays. Ça n'a rien d'un enfer. Et franchement, les gens qui pensent que c'est un enfer, c'est honteux. Enfin, je veux dire, c'est... Ben, l'enfer de Matignon a une anagramme qui correspond exactement à ce que vous dites, Édouard Philippe. L'enfer de Matignon a pour anagramme largement infondé. Ah bah très bien, voilà. C'est ce que vous voulez dire. On peut pas dire mieux. Alors comment ça s'est passé pour vous et votre équipe quand ce coronavirus est arrivé? Comment est-ce qu'on prend conscience qu'il va s'agir d'une affaire importante? Parce que je me souviens qu'en tant que simple citoyen, les messages qui étaient distillés ici ou là étaient contradictoires les uns avec les autres. Oui, alors on a tous le souvenir de la façon dont on a appris ou compris que le virus allait être quelque chose de sérieux. Et il faut d'ailleurs se méfier de ces souvenirs d'une certaine façon parce qu'ils peuvent être reconstruits. Bon, ce dont je me souviens très bien, c'est que moi j'ai entendu parler de ce que maintenant on sait être, mais de quelque chose de curieux au tout début du mois de janvier 2020. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était pas un tweet qui faisait référence à un article, je crois en anglais ou un article français, peut-être dans les Échos. Enfin bref, et je me souviens avoir demandé très tôt à Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé, c'est quoi ce truc en Asie là? Et elle dit, elle m'a expliqué ce que ça pouvait éventuellement être, sans évidemment avoir aucune espèce de certitude, bien entendu. Le deuxième souvenir que j'ai, c'est que au tout début du mois de février, c'est-à-dire alors que la situation en Chine est déjà difficile, je fais quelques déclarations officielles après des réunions à Matignon pour dire qu'on a là quelque chose qu'il va falloir faire suivre avec beaucoup d'attention, quelque chose qui est sérieux, quelque chose que le gouvernement prend au sérieux. Et je suis confronté à un désintérêt total de la presse politique qui me suit. La presse politique ne s'intéresse pas à ça. Ce qui intéresse la presse politique, c'est est-ce que je vais caner sur la réforme des retraites? C'est est-ce que la campagne que j'engage pour la municipale du Havre se passe bien? C'est qui paye les allers-retours entre le Havre et Paris quand je reviens à Paris pour prendre une décision ou pour faire une réunion dans le cadre de mes fonctions? Mais c'est pas du tout ça. Il y a comme une forme de c'est loin et ça ne pourra pas arriver jusqu'à nous. Et je critique pas la presse politique, je pense que c'est un sentiment qui est très largement partagé à ce moment-là par nos concitoyens. On a du mal à le croire maintenant, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Mais c'est le problème des souvenirs, c'est quand on les réagence, au regard de ce que nous savons depuis, ils prennent forcément une tonalité un peu différente de la réalité, me semble-t-il. Et puis ensuite, progressivement, on voit bien que l'hypothèse selon laquelle le virus va rester dans sa zone d'origine, ce qui était arrivé dans le passé, globalement pour le SRAS ou même pour le virus de la quasiment même nature qui lui était localisé dans les pays, notamment en Arabie Saoudite, en réalité va voyager, si j'ose dire, va arriver, et donc progressivement on se rend compte qu'on va être confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, même si très tôt on a des informations sur la nature du virus, qui nous viennent de Chine d'ailleurs. On ne sait pas très bien quelle est l'ampleur du problème en Chine. On suspecte très tôt que la Chine, qui n'est pas le pays le plus transparent, soumis au plus de contre-pouvoirs démocratiques qu'on connaisse, ne nous dit pas tout sur l'ampleur du problème. Bon, et je crois qu'il est à peu près acquis qu'ils ne nous ont effectivement pas tout dit sur l'ampleur du problème. Voilà. Donc c'est une montée en puissance, c'est progressif. Et tout le monde dans le pays ne prend pas conscience en même temps du sujet. Et c'est normal d'ailleurs. Comment pourrait-il en aller autrement ? Donc c'est voilà, quelque chose de progressif, quelque chose d'inquiétant évidemment, et quelque chose qui intervient dans une sphère que je ne connais pas. On est sur des questions médicales. J'allais vous le demander, Edouard Philippe, quel est votre rapport personnel avec la science ? Est-ce qu'il y a des disciplines qui vous intéressent ? Vous avez fait des études plutôt littéraires, je crois ? Moi, j'ai fait des études littéraires, puis après, j'ai fait du droit, pour l'essentiel. Puis ma vie, c'est d'être juriste. J'étais juge, j'étais avocat, j'étais législateur. Je fais de la politique, mais fondamentalement, ma spécialisation professionnelle, c'est le droit. Et ma passion, c'est l'histoire et la littérature. Et je ne suis pas scientifique. Je suis un pas scientifique énervé de ne pas être scientifique. Il y a des gens qui sont très heureux de ne pas être scientifique. Moi, je ne le suis pas du tout, mais j'aurais aimé. Et en fait, c'est un amour déçu. Vraiment, c'est un amour déçu. Je me souviens très bien, j'étais plutôt un bon élève à l'école, et au collège, quand j'ai commencé à faire de la physique, j'avais un grand-père maternel qui était ingénieur, du côté de ma mère, ils étaient plutôt scientifiques. J'avais un oncle médecin, bon, il est devenu moine, il n'a jamais exercé, enfin, il était médecin. J'avais un oncle ingénieur, et mon grand-père était ingénieur, c'était plutôt des... Bon. Et je me souviens très bien quand je suis rentré en classe de physique au collège, j'ai posé des questions qui étaient sans doute idiotes. Je pense pas que c'était des questions particulièrement pertinentes ou intelligentes, enfin c'était les miennes. J'ai posé des questions à mes profs, comme je le faisais d'ailleurs dans toutes les autres matières, en histoire. Moi j'étais plutôt du genre à poser beaucoup de questions, ça me passionnait en général, donc je posais beaucoup de questions. Et il se trouve que j'ai jamais compris les réponses. Ou plus exactement, et peut-être que ça venait de moi, mais... Je crois pas. Je n'ai jamais réussi à comprendre et donc à la fin à me passionner. C'était pas un défaut de passion, j'aimais ça, mais j'ai pas accroché avec mes profs. En réalité, je pense que peut-être si j'avais eu probablement dans mes années collège des profs de physique comme des gens que j'ai rencontrés ensuite. J'aurais adoré ça. Et j'ai découvert, et pardon, je termine, j'ai découvert l'intérêt de la physique, mais bien plus tard. Mais vraiment bien plus tard. D'abord, pendant mes études supérieures, j'ai rencontré je me suis fait des amis qui étaient ingénieurs, et c'est quand même souvent intéressant ce qu'ils racontaient. Et ensuite, pendant une courte période de ma vie, j'ai été travailler chez Areva, donc pour fabriquer des centrales nucléaires. Et là-bas, il y avait, pour le coup, des chimistes, des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs, enfin il y avait vraiment du... Et pour que il fallait bien que je comprenne ce qu'ils faisaient. Le cycle de l'uranium, quand vous n'avez pas fait de chimie et de physique, c'est compliqué, je vous le garantis. N'empêche que c'est passionnant. Et la façon dont ils le racontaient, et c'est là que je me suis dit que j'ai été passé à côté, dans toute ma formation, à côté d'aspects passionnants, et que j'avais raté d'une certaine façon. Donc le rapport qu'on a avec ses professeurs est déterminant. Moi, quand j'étais en seconde, si je peux raconter une anecdote, après un cours de notre professeur de physique sur le principe d'inertie de Galilée, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme, j'étais allé la voir après la fin du cours pour lui demander « Mais c'est bizarre, pourquoi je dois pédaler pour venir au lycée ?» Alors que d'après ce que vous dites... Le mouvement doit continuer indéfiniment. Et elle m'a dit, Klein, vous manquez de sens physique, vous devriez faire du droit. J'ai pas suivi ce conseil. Vous avez bien fait. Mais alors, pour en revenir à cet épisode du Covid, du démarrage du Covid, est-ce que les scientifiques étaient univoques ? Tout ça pour dire que cette période, je l'aborde en n'étant pas scientifique, en étant juriste, et en n'ayant aucune compétence en matière médicale, bien entendu. J'aurais aimé que ce soit différent, mais c'est comme ça. Est-ce que les scientifiques sont univoques ? Je pourrais facilement vous dire que non. Mais ça me paraît assez normal, parce qu'en fond, comment pourrait-il être univoque face à quelque chose qui est neuf, qu'ils ne connaissent pas complètement, et sur lequel ils vont forcément être conduits à raisonner par analogie ? Parce qu'en fait, c'est ça qui fonctionne. Mais pour être univoque dans ce qu'ils savent ne pas savoir. Oui, ils auraient pu être univoques dans En effet, dans le discours du « on ne sait pas », voilà le plus sûr, ce qu'on est à peu près sûr de savoir, c'est ça, voilà ce qu'on est absolument certain de ne pas savoir. Ça, c'est vrai, ils auraient pu être univoques, et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, pas parce que la science est mal faite, ça n'a pas été le cas parce que, en science, comme d'ailleurs dans bien d'autres domaines, c'est vrai aussi dans le monde du droit, c'est vrai dans tous les milieux, il y a des perturbateurs. Des perturbateurs liés à l'ego, des perturbateurs liés aux corporations. Et c'est toujours surprenant de découvrir, parce que là, pour le coup, je les ai bien vus, ces perturbateurs à l'œuvre. Tel PUPH, donc praticien universitaire, enfin professeur universitaire, praticien hospitalier à Paris, vous dire les yeux dans les yeux que dès lors qu'un médecin n'est pas PUPH, franchement, ce qu'il dit, ça n'a aucune importance. Les yeux dans les yeux. Et vous vous dites, bon, peut-être c'est vrai, auquel cas c'est bizarre, mais peut-être c'est pas vrai, mais auquel cas c'est aussi vachement bizarre qu'ils me disent ça. Bon, donc voilà. Et ça, vous avez ça, encore une fois, dans tous les milieux, je suis pas naïf, je le sais bien, on pourrait dire la même chose sur les juristes, selon là où ils ont été formés, ou là où ils ont fait leur carrière. Tout ça est absurde, mais tout ça existe. Donc il y a des perturbateurs qui viennent... Fondamentalement, ce qui m'a le plus frappé, c'est que ça n'a pas été forcément la diversité des approches, des opinions ou des formulations. Ça a été souvent l'absence de le caractère définitif d'un certain nombre d'affirmations. D'autant plus définitif d'ailleurs qu'ils étaient formulés en privé. voilà, en tête à tête, on vous dit des trucs très affirmatifs. En réunion, ça allait un petit peu moins. Et puis si il fallait devant une caméra, là, ça devient gazeux. Mais moi, je me souviens de la première conférence de presse que vous avez tenue avec le ministre de la Santé, plus des chercheurs, des médecins. Une très longue conférence de presse dans laquelle la part de la pédagogie était très grande. On disait, enfin, les chercheurs disaient ce qu'ils savaient et aussi ce qu'ils disaient ne pas savoir. Oui. Et là, je m'étais dit, tiens, on a une occasion unique de faire de la pédagogie scientifique. On va pouvoir expliquer au fil du temps, puisque les gens sont intéressés et inquiets, comment fonctionne la science, les différentes méthodologies qui ne sont pas les mêmes selon les disciplines. On en va pouvoir expliquer ce que c'est qu'une exponentielle, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, qu'est-ce que ça veut dire si on parle d'un test, par exemple, on dit qu'il est efficace à 95%. Mmh. Que veut dire 95%? Oui, c'est jamais expliqué. Et après cette conférence de presse qui était, je trouve, magnifique, il y a eu une sorte de confusion. Les gens qui, dans les médias, disaient, en réponse aux questions des journalistes, « je ne sais pas », parce que personne ne sait, étaient médiatiquement détrônés par des gens qui avaient réponse à tout. Je ne sais pas ça. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que, vous avez raison, on a eu pendant cette période à peu près tout ce que vous avez décrit comme questionnement scientifique. Et la différence entre causalité ou corrélation ou conjonction, si j'ose dire. Mais ça a été massif. Ça a été massif. La confusion. Je me souviens de gens parfois m'expliquant, on est en train de voir que, grosso modo, les fumeurs sont moins atteints. Ah bon? Je vous assure, quand vous êtes Premier ministre et qu'on vous dit, oui, il y a plusieurs études qui montrent que les fumeurs... Il y a même un communiqué au conditionnel. Il se pourrait que... Ouais. Et ensuite, la queue dans les bureaux de tabac. Et exactement. Donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça pour avoir une politique publique à peu près claire, à peu près compréhensible? Donc, bien sûr, il y a eu ça. Sauf que quand vous êtes dans la situation dans laquelle j'étais, votre problème n'était pas faire de l'éducation scientifique. Moi, ce que je souhaitais faire, ce que j'ai souhaité faire dans ces conférences de presse, j'en ai eu plusieurs de cette nature, c'était... parce qu'on était dans la lutte contre une épidémie. Quand vous avez un pays qui est en guerre, vous devez faire appel au courage. Au sentiment national et au courage, fondamentalement. Regardez Zelensky, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je suis assez admiratif. Zelensky, il a su trouver les mots pour... Et trouver les gestes pour galvaniser son peuple et pour incarner, alors qu'il aurait peut-être été sans lui d'ailleurs, parce que on ne sait pas. Mais ça, c'est le vocabulaire, c'est la grammaire, si j'ose dire, de la guerre. Une épidémie, pour moi, c'est pas du même registre. Et ça, je l'ai senti, pas tout de suite, mais assez vite quand même, mais pas tout de suite. Dans une épidémie, dans la lutte contre une épidémie, il faut au fond de la précision, et il faut du civisme. C'est pas exact, c'est pas les mêmes qualités. Et pour en avoir, nous qui sommes un peuple souvent contestataire, il faut que tout le monde comprenne la stratégie, c'est-à-dire ce qu'on veut faire. Donc il faut l'expliquer clairement. Et pour l'expliquer clairement et pour être crédible, il faut dire ce qu'on ne sait pas. Parce que si on fait semblant de savoir, eh ben, ça ruine la confiance qui est nécessaire pour avoir un effet dans la politique qu'on est en train de mener. Donc, est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on sait ne pas savoir? Et encore une fois, il y a ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait ne pas savoir. Bon, et en fait, il y a beaucoup de gammes, si on veut raffiner. Mais bien sûr, vous avez raison. Moi, il m'est arrivé de dire des choses qui se sont avérées fausses. Et j'en étais pas enchanté. Mais quand on me l'a dit, on me l'a présenté avec l'assurance que je pouvais le dire. Et à l'inverse, il m'est arrivé de dire des choses dont je disais qu'on ne les savait pas, en espérant que assez vite, on finirait par éclaircir l'affaire, notamment des causalités ou de. Et puis il y a des choses où, y compris dans la perception, c'est très intéressant. Un des enseignements du Covid, me semble-t-il, c'est la vitesse à laquelle, même si c'est toujours trop lent dans un monde qui vit dans l'immédiateté, mais la science s'est fait assez vite. Voir une épidémie qui apparaît en décembre, peut-être en Chine, peut-être avant, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, à partir de janvier sur la scène internationale, et qui devient une épidémie fin février, début mars, peut-être. Et encore, il y a peu de cas en France, jusqu'en mars. Il y a très peu de cas, en vérité. Et quand je suis parti de Matignon, on est en juillet, et les scientifiques que je croisais me disaient, vous savez, avant 12 ou 18 mois, il n'y aura pas de vaccin. 6 mois après, on commence à vacciner. Donc c'est la vitesse à laquelle on a trouvé des éléments de solution est assez spectaculaire, je trouve. Donc la science s'est fait très vite. Et une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'on a confondu, peut-être, mais vous êtes probablement plus savant que moi, c'est le cas de le dire, on a confondu peut-être la science et la recherche dans cette période. C'est-à-dire que la recherche est forcément quelque chose de contradictoire, de tâtonnant. On fait des hypothèses, elles s'avèrent infondées, elles sont discutées, on expérimente, on se trompe. C'est un flux, la recherche, et c'est un flux assez contrarié, si j'ose dire. La science, alors, le savoir établi, c'est pas ça. Je veux dire, une fois qu'on a démontré et qu'on peut dire qu'on sait que la Terre est ronde, il y a toujours des gens qui pourront vous dire « Mais non, ballot, elle est plate. » Il y a toujours des gens qui vont dire ça. Mais la science saura dire « Moi, je ne saurais pas expliquer pourquoi la Terre est ronde. » Mais je fais confiance à la science. Ça correspond à ce que j'ai appris, ça correspond y compris à des observations qu'on peut me proposer quand on me montre des photos de la Terre. Donc je comprends comment est-ce qu'on a compris qu'elle était ronde. Ça, j'ai compris ça. Je comprends comment les Égyptiens ou les Grecs ont compris qu'elle était ronde. Ça oui. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi, dans sa formation, dans sa physique, il faudrait qu'elle soit ronde et pas carrée, j'en sais rien. Je me souviens de ce livre, vous savez, au début de Une brève histoire du temps, je crois, de Hawking, il raconte sa conférence inaugurale à Oxford, j'imagine, Cambridge, je ne sais plus, Oxford. Ah, l'histoire de la tortue. Oui, l'histoire de la tortue. Et cette vieille dame qui vient le voir en disant « Oh, vous racontez n'importe quoi. En vérité, nous sommes posés sur une tortue. » Mais alors, cette tortue, dit-il, elle est posée sur quoi ? Sur une autre ! Formidable, quand même, comme histoire. Bon, bref. C'est irréfutable. Donc, c'est peut-être vrai. Bref. Et donc, je dis ça. Je dis ça pourquoi, je ne sais plus. Mais, vous parliez de la confusion qui a été faite entre la science et la recherche. Je dis ça parce que, voilà, la science, il y a des acquis. Il y a des acquis qui ne sont pas en discussion. Oui, mais justement, quand on confond la science et la recherche, l'idée de doute qui est vraiment le moteur de la recherche, on sait qu'on ne sait pas, donc on cherche, vient coloniser l'idée même de science. Exactement. On dit la science est doute et chacun peut donner son avis. Exactement. Avec d'autant plus de liberté que les gens qu'on voit sur les plateaux ne sont pas d'accord entre eux. Exactement. Et donc on crée une sorte de confusion, ce qui m'amène à la question, pourquoi est-ce que, bon, le conseil scientifique qui a été créé, je ne sais plus à quelle date, il a émis 48 avis, tous rendus publics, mais dans d'autres pays comme l'Angleterre par exemple, ou d'autres pays anglo-saxons, la stratégie était plutôt de nommer ce qu'on appelle là-bas un chief scientist, un seul porte-parole, qui anime un groupe de scientifiques, et on n'entend qu'une voix, ce qui donne l'impression d'une meilleure maîtrise du sujet, puisqu'il dit « nous savons que », ça c'est la science, et « nous nous demandons si », ça c'est la recherche. La façon dont vous le décrivez est très convaincante. Je pense que c'était le rôle qu'occupait le docteur Fauci, je ne sais pas comment on dit, aux États-Unis. On ne peut pas dire que... Il a souffert. Et on peut pas dire qu'il est. Oui, ça, il a souffert. Ça, il a vraiment souffert. Je me souviens de la conférence de presse et de la tête qu'il fait quand président Trump explique. L'eau de Javel. On pourrait mettre un peu d'eau de Javel. Enfin, bon. Est-ce que la discussion publique a été plus satisfaisante dans les pays qui ont choisi ce modèle? Franchement, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a vu une espèce c'était pas le seul moment où on l'a vu, c'est pas le seul sujet où on l'a vu, mais une espèce d'horizontalisation qui est très contraire, au fond, au principe scientifique. La science, par définition, c'est une forme de sédimentation de connaissances. Et les gens qui savent, si j'ose dire, les savants, sont quand même des gens qui ont sédimenté ces connaissances. Et si vous traitez sur un plateau la même façon, avec le même temps de parole, avec la même crédibilité, celui qui a sédimenté toute cette connaissance, et qui peut se tromper d'ailleurs, hein. Je ne dis pas que par nature, il en a, et celui qui n'en a aucune, mais qui donne son avis, et qui donne son opinion, vous créez forcément une distorsion. Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, ça on l'a vu beaucoup. Et ce que je retiens donc de cette séquence, c'est aussi une grande faiblesse du débat public. Parce que la situation a été compliquée et que tout le monde n'ait pas été d'accord et qu'il y a eu des oppositions et qu'il y a eu des controverses, c'est normal dans une crise, c'est normal, ça a toujours été comme ça. Mais on aurait pu espérer, j'en prends ma part après tout, hein, on aurait pu espérer un débat public, plus, non pas plus apaisé, mais plus clair, permettant de mieux comprendre les enjeux. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je faisais ces conférences de presse. Pour poser les choses, pour qu'on comprenne la stratégie, pour qu'il y ait des gens qui ne soient pas des responsables politiques, ou pas des responsables administratifs qui disent « ça on sait, ça on ne sait pas ». Mais est-ce qu'on n'a pas assisté aussi, Edouard Philippe, à une sorte de conflit, pour le coup radical, entre deux temporalités, d'une part celle du politique qui doit prendre des décisions dans l'urgence, on ne peut pas attendre quand il y a une exponentielle qui couve, et d'autre part celle de la recherche qui peut certes accélérer les protocoles, mais pas s'affranchir de toute méthodologie, sous peine de couper la branche sur laquelle la science est assise. Or, par exemple, on a voulu nous vendre des médicaments à toute vitesse, alors que la seule invocation d'urgence n'a jamais suffi à rendre un médicament plus efficace ou moins dangereux qu'il n'est en réalité. Notez bien que ça n'est pas le politique qui a voulu vendre des médicaments, comme vous dites. C'est je sais bien, mais on a des scientifiques, des singularités plutôt. Des singularités soutenues par certains politiques qui disaient absolument. Je ne suis pas médecin, mais je. Mais il y en a un qui me dit j'y connais ça, rien, et j'y crois. Mais voilà ce qu'il faut faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et il y avait cette idée que évidemment toutes les procédures étant trop longues, dès lors qu'il y avait une autorité scientifique, une intuition, et il fallait prendre des décisions. Et vous voulez que je vous dise ? Parfois c'est vrai. Parfois c'est vrai que dans une crise, il faut s'affranchir des procédures. Et prendre des décisions qui sont risquées. Je ne peux même pas dire que le raisonnement à la base de ce phénomène soit totalement à proscrire. Dans une crise, parfois, il faut s'affranchir des procédures. Ça peut arriver. Tout le monde le sait, d'ailleurs, tout le monde le comprend. Donc voilà. Bon, après, la temporalité, c'est un problème démocratique, c'est un problème permanent, et qui est rendu encore plus prégnant aujourd'hui, parce que vraiment nous vivons dans un règne de l'immédiateté, dans une pression de l'immédiateté, de l'urgence, de la production immédiate des faits. C'est incroyable. Et tous les sujets sont traités comme ça, mais tout le débat public est traité comme ça. Et je ne parle même pas de ce sujet de Covid. Quand vous abordez un sujet, quel qu'il soit, un peu général, tous les gens qui ont réfléchi un peu sur le sujet savent que si vous voulez avoir un effet en matière de politique publique là-dessus, il va falloir le traiter pendant 5 ans ou 10 ans, de façon constante, de façon cohérente, et là vous allez produire un effet. Et quelles sont les questions qu'on vous pose? Quelles sont les attentes qui sont formulées, peut-être parfois par les médias, parfois par le public, parfois par la classe politique elle-même? Oui, non, mais très bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant qui va produire quel effet? Et donc on se place nous-mêmes dans une espèce de règne de l'immédiateté qui est renforcée par la technologie. Cette capacité, si j'ouvre mon téléphone, d'avoir tout le savoir accessible immédiatement. C'est un truc de fou. C'est à la fois une puissance et un service et une extraordinaire. Mais pas simplement tout le savoir. Toute la musique, toutes les œuvres cinématographiques, tout est immédiat d'une certaine façon. Et vous pouvez faire venir quelque chose de très loin, de très compliqué, vous le payez immédiatement et il arrive presque immédiatement. Donc, là, vous me montrez, Edouard Philippe, votre téléphone portable. Oui. Mais justement, il y a une ambiguïté du téléphone. Comme vous le dites, il permet d'accéder à toutes les connaissances scientifiques. Mais en même temps, cette technologie, par le fait qu'elle est très conviviale, nous éloigne des principes scientifiques qui l'ont rendu possible. Quand, au XVIIIe siècle, quand D'Alembert et Diderot rédigent en partie l'encyclopédie, il y a 4 tomes, je crois, sur les 24, qui contiennent des dessins, des planches, des illustrations, qui expliquent à ceux qui lisent l'encyclopédie comment fonctionnent les objets techniques de l'époque. Et leur credo, leur pari, si on peut dire, c'est que la technologie est vectrice de pédagogie scientifique. Plus les objets techniques deviennent familiers dans la vie des gens, du peuple, comme ils disent, et mieux les principes scientifiques qui les rendent possibles seront connus du peuple. Ça a marché sans doute à certaines époques de l'histoire. Kundera, dans son livre « L'immortalité », parle de Goethe comme étant quelqu'un qui pouvait maîtriser toutes les techniques, tous les objets techniques qui l'environnaient. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. On n'a plus besoin de connaître les principes scientifiques qui rendent ces objets possibles parce que leur convivialité est telle qu'il suffit de les manipuler avec son doigt sans du tout savoir ce qui se passe quand on tape un mot sur le clavier avec sa main, avec son pouce. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie un message, il arrive jusqu'à mon correspondant, vous savez par où il est passé, personne n'en sait rien, et ça n'handicape nullement dans l'usage qu'on fait de ces technologies. Mais c'est vrai, mais je suis pas sûr que si, d'ailleurs on va s'abstenir de faire l'expérience si vous le voulez bien, je ne suis pas sûr que si vous m'aviez demandé d'expliquer quelque chose de beaucoup plus simple, le téléphone d'avant, mais avec le fil, ou même le principe de la ligne électrique ou du gramophone, que je n'ai pas connu quand même, hein, je ne serais pas sûr que j'aurais été totalement capable de vous l'expliquer, vous voyez, je suis même assez certain du contraire, donc je ne crois pas que ce soit totalement neuf. Ce qui est vrai, c'est que l'accessibilité immédiate et la pression de l'immédiateté est, quand elle entre en collision avec des politiques publiques sensibles et importantes ou avec un débat scientifique sérieux, ça colle pas. Voilà. La science, c'est pas immédiat. Ça se fait pas comme ça. Ça s'est construit contre le bon sens. Or, on a vu quand même s'activer une certaine forme de populisme scientifique, avec l'idée que la science est démocratique, chacun peut dire ce qu'il pense, etc. Oui. Alors que les choses sont un peu différentes. Si on avait, par exemple, organisé un référendum en 1905 sur les idées d'Einstein à propos de l'espace et du temps, je pense que la théorie de la relativité aurait été refusée. Toute l'histoire de la science est comme ça. Oui. Et vous avez cette formidable thèse de Céline sur Semmelweis. Céline écrit cette thèse donc à la fin de ses études de médecine, et c'est vraiment Céline avant la littérature, si j'ose dire. C'est formidable, ça se lit comme un roman, ce truc, cette thèse. Il raconte l'histoire d'un homme qui ne sait pas totalement expliquer ce qu'il a découvert, mais qui sait qu'il a découvert quelque chose et qui voit tout l'establishment médical d'Autriche lui tomber dessus, et il termine fou. Alors que il a trouvé, sans pouvoir complètement l'expliquer, c'est vrai. Enfin, il a trouvé la cause d'une surmortalité infantile quand les médecins font les accouchements dans les hôpitaux autrichiens. C'est passionnant. Mais la science, c'est ça. C'est vrai que c'est contre le bon sens souvent. D'ailleurs, je veux dire, pardon, mais c'est pas forcément spontanément évident de considérer que la Terre est ronde. Ben, en fait, maintenant c'est acquis. C'est peut-être un sujet, mais c'est acquis, mais ça a toujours été acquis en fait. Mais bien sûr. C'est-à-dire que aussi loin qu'on remonte dans le passé, oui, avec les textes grecs, chinois, indiens, quand il est question de la forme de la Terre, il est dit qu'elle est ronde. Les éclipses de lune qui montrent l'ombre de la Terre sur la Lune sont circulaires. La seule forme qui est une ombre circulaire, c'est la sphère. Et c'est aujourd'hui qu'il y a le plus de platistes. Ouais. Il n'y a jamais eu tant de platistes aujourd'hui. Quand j'étais enfant, j'ai jamais entendu dire que c'est vrai, platistes. Et ça m'incite à vous poser une question sur le numérique. Le numérique a rendu de grands services pendant l'épidémie, notamment les périodes de confinement. On a pu prendre des nouvelles de nos proches, on a pu continuer à travailler, télé-enseigner, etc. Mais on a vu aussi se constituer des sortes de chez-soi idéologiques, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, en quelques clics, peut bâtir sa communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme lui, qui croient comme lui, qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui. Et ça constitue ce que Tocqueville appelait en son temps des petites sociétés, bien sûr, dont il disait qu'elles étaient la plus grande menace pour la démocratie. Et je dirais une fois de plus, Tocqueville avait raison. La démocratie suppose l'échange avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. C'est consubstantiel à la démocratie. Et si vous l'atomisez en groupes homogènes, qui sont en fait constitués toujours du même, et ben vous rendez impossible le débat public. Parce qu'on balkanise l'idée même de vérité. Exactement. Et si vous rendez impossible le débat public, vous rendez impossible la démocratie. Et c'est pas très réjouissant, parce que ça, c'est une sacrée menace, et c'est une menace aujourd'hui. Alors, après, il faut rester serein. Cette menace, elle a toujours existé. Le numérique la transforme, peut-être même l'accélère. Enfin, elle a toujours existé, et on a quand même toujours réussi à créer, au-delà de ces communautés, ce qui a toujours existé, c'est que notre cerveau n'aime pas être contredit. Avant le numérique, mais les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro, parce que quand vous lisez le journal... Non, mais là, c'est ça qu'on est dans nos cerveaux, des zones de confort, des habitudes intellectuelles qui font que ça, on sait qu'on aime, on va continuer. On va pas lire, quand on est de gauche, on va pas lire Hayek. Et quand on est de droite, on va pas lire Marx. Mais ce qui est nouveau, c'est les algorithmes qui vous abreuvent en détectant votre tropisme intellectuel, politique, culturel. Les algorithmes vous privilégient, évidemment. Je pense que c'est une différence. Je suis pas sûr que ce soit une différence de nature. C'est peut-être une différence de degré, mais je suis pas sûr que ce soit complètement une différence. Mais en tout cas, je sais que c'est dangereux. Ça c'est certain. Ça c'est évident. Alors moi j'aimerais savoir, une dernière question sur le Covid, Édouard Philippe, c'est comment est-ce que vous faites pour décider quand, en tant qu'homme politique, quand le conseil scientifique vous dit bah voilà ce qu'on sait, mais voilà ce qu'on sait pas, comment vous décidez par exemple de confiner, ou bien de faire cesser le confinement, quels sont les paramètres qui interviennent dans votre esprit, et est-ce que vous n'êtes pas condamné à décider finalement en méconnaissance de cause? Bien sûr. C'est-à-dire sans pouvoir justifier complètement toutes les décisions que vous choisissez de prendre. Alors, je crois pas qu'on puisse... Alors, je dirais pas comme ça. On peut toujours justifier les décisions qu'on a prises. On peut se tromper, d'abord. On va les assumer, en tout cas. Je vais vous dire, on peut se tromper, et la vérité, c'est très intéressant, parce que je pense qu'il y a... Quand vous êtes Premier ministre, quand vous êtes aux responsabilités, d'ailleurs, quel que soit le type de responsabilité, après tout, je pense que ça doit être la même chose pour un urgentiste. Vous êtes amené à prendre beaucoup de décisions. Beaucoup. Quand vous êtes amené à prendre beaucoup de décisions, bah, par définition, vous augmentez le nombre d'occurrences ou de la probabilité de vous tromper. C'est sûr que si vous avez 80 décisions à prendre par jour, dont certaines sont très difficiles et que vous devez les prendre vite, parfois pas du tout, hein, mais bah, c'est plus facile de se tromper que si vous en prenez une tous les semaines et que vous avez le temps d'y réfléchir. Cela dit, même une semaine par semaine, vous pouvez vous tromper. Hein, bon. Bref. Et quand vous êtes... responsable politique confronté à une crise, vous savez que vous ne savez pas tout, vous savez que les informations sur lesquelles vous allez prendre, sur le fondement desquelles vous allez prendre des décisions sont incomplètes, elles sont très souvent contradictoires, et elles sont souvent aussi fausses, ce qui est une troisième caractéristique, fausses, incomplètes et contradictoires. Et pourtant, vous savez que vous devez décider. Et le risque, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, c'est que, conscient qu'elles sont incomplètes, fausses et contradictoires, vous ne décidiez pas. Parce que ne pas décider, parce que vous n'avez pas les conditions idéales pour décider, peut avoir un coût supérieur, un coût humain, à une décision, même sur le fondement. Donc, vous devez prendre des décisions, tout en sachant que vous pouvez vous tromper, que même vous allez vous tromper. C'est pas que vous pouvez, c'est que vous allez vous tromper. Pas surtout, pas tout le temps, j'espère, mais que vous allez vous tromper. Il faudra donc corriger, ce qui est toujours difficile. Parce que expliquer un truc, puis ensuite corriger, les gens disent « Ah ben vous êtes trompé ». Mais oui, ça peut arriver. Vous voulez que je vous dise ? Ça peut arriver. C'est la vie. Bon, c'est très difficile dans le débat public. Et là, on en parle de façon très calme. Mais quand vous rajoutez la pression, la peur, la polémique, la peur des gens, enfin, pendant le Covid, les gens, il y a beaucoup de gens qui avaient peur. Et je les comprends d'ailleurs. Enfin, ça m'est arrivé de ne pas être totalement détendu, je peux vous dire. Donc il faut le comprendre. Comment est-ce que vous décidez ? Ben, vous écoutez. Beaucoup, parce que vous essayez de maximiser l'information dont vous disposez. Vous consultez un peu, en essayant de trouver des gens, soit que vous devez consulter parce que leur position et ce qu'ils représentent est indispensable à la... Il faut l'écouter avant de prendre une décision, soit parce que vous pensez qu'ils sont de bons conseils, et c'est pas exactement la même catégorie. Et puis à la fin, bah vous prenez votre décision, soit tout seul quand elle relève seule de vous, soit avec quelques personnes quand c'est une décision commune. En l'occurrence, il y avait beaucoup de décisions qui se prenaient avec le président de la République, ce qui est normal, c'est parfaitement naturel, c'est même la loi, puisque en cas de crise sanitaire, c'est le Conseil de défense qui gère les choses. Et vous essayez de choisir la moins mauvaise solution et de l'expliquer. Et c'est difficile. Et parfois vous y arrivez, parfois vous n'y arrivez pas. Mais vous êtes dans une situation où vous décidez. Il y a des choses très belles qui ont été écrites par Churchill sur les décisions en temps de guerre. Churchill s'est planté un nombre de fois. Évidemment, Churchill est un héros. Moi, j'ai une fascination complète pour Churchill. Mais il s'est trompé. Et ses décisions ont parfois conduit à des à des drames, à des catastrophes avérées. Bon, et il le savait. Et il en était parfaitement conscient. C'est pas du tout quelqu'un qui pense qu'il ne s'est jamais trompé. Mais, voilà, il y avait une direction, et il fallait essayer des choses, et si on se trompait, bah, on corrigeait, on apprenait, on continuait. C'est dur, hein. Mais il faut un certain tempérament, quand même, pour être capable de décider. Oui, je pense. Il faut... J'imagine qu'on ne dort pas très bien avant d'annoncer, par exemple, le confinement, c'est pas du tout évident. Non, c'est pas... C'est une décision difficile à prendre, c'est une décision difficile à annoncer. Mais voilà, sans... c'est intéressant la question que vous posez, on ne dort pas très bien. Il y a un moment de niveau de crise où vous savez que si vous ne dormez pas, ça va être pire. Et que donc, ouais. Donc il faut dormir. Mais il faut être alpiniste. L'alpiste, ça dort quand il faut. Oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens très bien, pendant la crise, quand on s'est rendu compte qu'elle allait commencer à durer. Pas immédiatement, mais après la mise en confinement, oui. on avait fait venir à Matignon un général de gendarmerie qui avait beaucoup d'expérience de la gestion de crise et qui était en qui j'avais entièrement confiance, pour qu'il non pas du tout pour qu'il nous dise ce qu'on devait faire, mais pour qu'il ait un regard extérieur. Et je me souviens très bien, il nous avait dit assez tôt, il faut évidemment doubler toutes les équipes pour que si quelqu'un craque ou est malade, vous puissiez continuer à fonctionner. Donc il fallait imaginer les flux pour que toutes les équipes soient mobilisables dans la durée. Et puis on dit, puis il faut dormir, parce que ça va durer. Et si vous êtes crevé, et si vous dormez pas, à la fin, vous allez prendre des mauvaises décisions. En tout cas, vous allez augmenter la mort. Donc, tout ça pour dire que non, j'avais pas de problème pour dormir. Et toi, Philippe, le temps passe, et je vous invite à quitter votre casquette d'ancien Premier ministre pour prendre celle de maire du Havre. Voilà, il y a un an, vous avez créé un nouveau festival qu'on pourrait appeler de vulgarisation scientifique, qui se déroule en ce moment du 21 au 23 septembre, et qui s'appelle Sur les épaules de géants. Donc c'est la deuxième édition cette année. Est-ce que la création de ce festival a à voir avec ce qu'on vient de discuter ? Beaucoup, oui. Beaucoup, parce que j'ai quand même été frappé par plein de choses. D'abord par le caractère insatisfaisant du débat public, et notamment de ces aspects scientifiques pendant la crise du Covid, d'une certaine façon par une certaine faiblesse de la culture scientifique, que je partage, hein. Je la dénonce pas, en tout cas je la vis, une certaine faiblesse de la culture scientifique, ce qui dans un monde technologique, dans le monde dans lequel nous vivons, est pas satisfaisant. Et puis j'étais aussi très frappé, parce que j'ai regardé ça avec attention, par la diminution continue du niveau, et notamment du niveau en sciences, qu'on observe dans les petites classes. Alors c'est que montrent les classements internationaux. Oui, alors les classements internationaux, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'évaluation en matière de... Il faut les prendre avec une certaine forme de... Non pas de distance, mais de prudence, comme d'ailleurs tous les chiffres et toutes les études. Mais cela dit, ce qu'ils montrent, c'est quand même une érosion lente, mais continue, du niveau... Et je trouve ça très préoccupant. Et donc, ne pouvant pas régler tous les problèmes, mais d'ailleurs n'ayant pas l'ambition de les régler tous, je me suis dit qu'on pouvait commencer par faire quelque chose chez soi. Et j'ai décidé au Havre de créer ce festival qui s'appelle Sur les épaules des géants. Et j'ai appelé Antoine Petit, le patron du CNRS. Et j'ai appelé le Collège de France. Et je leur ai dit, écoutez, on a un sujet en matière de sciences. Moi, je suis pas professeur de sciences. Je peux pas me substituer à l'éducation nationale. Je n'en ai pas envie, d'ailleurs. En revanche... Je voudrais que nos concitoyens qui s'intéressent à la science, ou qui ne s'y intéressent pas, mais qui ont envie de comprendre, qu'une forme de curiosité intellectuelle, même s'ils n'ont pas de culture scientifique, je voudrais leur proposer quelque chose de très bon niveau, qui soit pas une conférence, qui soit pas un cours, on n'est pas là pour donner des cours, mais on est là pour essayer de diffuser de la culture scientifique. Et donc, pendant 3 jours, on met, et c'est assez extraordinaire, là ça va durer, ça dure 3 jours, il y a 100 d'intervenants. Il y a 2 prix Nobel, une médaille Fields, des médailles d'or du CNRS, des scientifiques exceptionnels. Le prix Nobel, on peut le nommer, c'est Alain Aspect. Oui, il y a Jean-Pierre Sauvage en chimie, il y a Alain Aspect en physique. Ouais. Il y a Hugo Duminil-Copin qui a eu la médaille Fields l'an dernier en 2022. Il y a Claudie Aigneret, il y a beaucoup. Francis Rocard, Valérie Masson-Delmotte. Et j'ai presque honte, parce que c'est pas comme si les 80 autres n'étaient pas des grands scientifiques aussi. Donc, mais on trouve la liste de tous les noms sur le site internet que vous avez créé, qui est complet. Et l'idée, c'est qu'ils viennent participer à des conférences, à des expériences. À des ateliers. À des ateliers. Ça n'est pas un cours. Et il ne faut pas être diplômé de sciences à l'université pour comprendre. Ça n'est pas ça l'objet. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une sorte de barrière, de verre, qui fait que des gens qui ont des mauvais souvenirs de la science à l'école estiment qu'ils ne sont pas légitimes à venir? Ben, sans doute, mais je constate qu'il n'y a pas que ça. Peut-être qu'il y a ça, probablement il y a ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens, si vous voulez, il y a beaucoup de gens, y compris qui n'ont pas de culture scientifique, qui sont curieux, ou qui sont fascinés. L'année dernière, on avait choisi la thématique du vent. Et on avait pas mal de choses sur l'espace. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fascinés. Ils ne sont pas astrophysiciens. Mais le vent, ce n'est pas un sujet polémique. Et on a choisi de ne pas traiter d'abord les sujets polémiques. C'est vrai qu'on aurait pu dire... On a choisi de ne traiter que les sciences dures, entre guillemets, dures. Ou exactes, je ne sais pas comment il faut le dire, moi, je préfère dire dures. Donc pas de sciences sociales. Pas, moi, j'aime bien ça, c'est plutôt mon domaine, mais c'est pas le sujet. Et on a choisi, à dessein, de ne pas commencer en se posant la question de savoir si les antennes 5G étaient dangereuses ou si les déchets nucléaires, c'était la garantie de l'apocalypse. Je dis pas que ce sont pas des sujets intéressants, mais si on commence par ça, on rentre dans l'atmosphère, si j'ose dire, et dans le débat, avec des choses qui polarisent complètement. Alors que si vous essayez de comprendre, si vous essayez d'expliquer à un public... Pourquoi quand vous lâchez un objet, il tombe? Qu'est-ce que c'est que l'infiniment grand? Qu'est-ce que c'est que l'infiniment petit? Qu'est-ce que c'est que la nature de l'infini, d'ailleurs? Des réactions physiques classiques, presque basiques pour certaines, ou très compliquées. On va avoir une conférence sur le boson de Higgs. Et la conférence d'ouverture du prix Nobel, c'est la physique quantique. Je veux dire, la physique quantique, moi, je sais que ça existe, mais j'aurais du mal à vous expliquer, honnêtement. Mais c'est même plus que ça. Le titre, c'est « Vers une nouvelle révolution quantique ». Oui, parce que la première était quand même déjà un peu dépassée, donc il fallait... C'est ça, c'est que la première s'est achevée quand Alain Aspect, prix Nobel, a démontré ce qu'on appelle l'annoncé par BT quantique, qui change la donne, qui tranche une question, et qui ouvre des perspectives technologiques. Et ben voilà. C'est ce que tu veux dire. Et ben, est-ce que, quand vous êtes, comme moi, sans culture scientifique, est-ce que quand vous êtes comme... ma fille ou mes fils sans culture scientifique autre que celle d'un collégien ou d'un lycéen, est-ce que vous êtes on peut vous intéresser à ça et on peut vous faire comprendre non pas le détail mais ce que c'est que d'y réfléchir, ce que ça implique, pourquoi ça peut être passionnant, ça je trouve ça extraordinaire. Et alors quand on a fait la première édition l'année dernière, bon, on savait pas si ça marcherait. D'ailleurs, moi j'avais dit aux partenaires du CNRS et du Collège de France, à l'époque, je leur avais dit, écoutez, peut-être ça n'a pas marché, mais je m'en fous. On va le faire dans la durée. Si ça ne marche pas cette année, on le refera l'année prochaine. On essaie de ralentir les conseils, mais on le refera. Ça a marché. Et ça a marché. On a fait, on a eu plus de 6000, on a eu 6500 invités, enfin 6500 personnes qui sont venues, et qui étaient passionnées, qui étaient surprises. Je pense que c'était ça qui était le truc le plus intéressant. Qui était surprise. Mais c'est vachement bien. Bon, l'année prochaine, je vais venir avec les directeurs d'école, les professeurs qui sont venus voir. Ils ont dit, mais c'est extraordinaire. On a une opportunité pour expliquer et pour faire sortir des enfants de l'école pour qu'ils voient quelque chose de différent, de parfois plus ludique, de parfois beaucoup plus compliqué. Mais vous savez... Moi, je suis convaincu, c'est un principe éducatif, vous allez me dire, je suis convaincu que parfois, il est bon, y compris que les enfants des écoles aillent se confronter à des trucs très, très compliqués. Parce qu'ils ne peuvent pas faire que ça, ça n'a aucun sens. Mais parfois, un truc très, très compliqué, exactement comme en sport, parfois on fait des trucs beaucoup plus intenses. Et on ne comprend pas, mais on comprend que celui qui parle comprend ce qu'il dit. C'est déjà pas mal. Et on comprend que ça peut être intéressant et ça ouvre des perspectives. Donc, il faut le faire. Et c'est ce qu'on fait, et on va le refaire cette année en plus grand. Mais quel est le sujet ? Alors cette année, c'est l'infini. Le vaste programme. C'est l'infini. Vous avez écrit des choses sur l'infini, donc vous connaissez ça très bien. Vous allez pouvoir, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a même une infinité. Pas des livres, des infinis. Ouais. L'infinité d'infini, ce qui est quand même fascinant en mathématiques. Oui. Non, mais ça, j'ai bien compris en vous lisant que c'était fascinant. Mais voilà, donc ça va être... Alors, ce n'est pas le seul thème qui va être évoqué pendant ces trois jours, mais c'est vrai que c'est le thème principal, les infinis, l'infini petit, l'infiniment grand, voilà. Mais est-ce que le Havre a une tradition scientifique particulière ou est-ce qu'il y a une culture qui... Au Havre, on est surtout une ville de production. On est une ville d'échange portuaire et une ville de production. On n'est pas une ville de, on n'est plus une ville de service. Les activités de service qui existaient au Havre, c'était avant la guerre le négoce, bien sûr, et les activités assurantielles et même bancaires, puisque comme on est adossé à un grand port, elles étaient très présentes. Mais la destruction totale de la ville en 1944 a fait que toutes ces activités-là sont parties à Paris, ou à Rouen, mais pour l'essentiel à Paris. Et donc, est resté au Havre pendant très longtemps l'échange portuaire, la manutention portuaire en vérité, et la production industrielle liée à la présence du port. Donc c'est une ville qui est traditionnellement une ville ouvrière, une ville populaire, une ville plutôt plus pauvre que la moyenne nationale, et une ville dans laquelle il n'y avait pas d'université, jusqu'en 1984. Il y avait très peu d'enseignement supérieur au Havre jusqu'en 1984. Une école de commerce, une école d'infirmière, une école de la marine marchande. Pour le négoce, on voit bien. Pour le port, on voit bien. Et pour les bateaux, on voit bien. Mais pas véritablement, pas d'université. Ça a changé à partir de 1984. Et puis ça s'est accéléré. Donc maintenant, on a un campus universitaire avec des écoles spécialisées, une école d'ingénieurs spécialisée dans la logistique. On va accueillir bientôt les arts et métiers qui vont s'installer au Havre. On a un IUT qui est une très bonne IUT de formation de techniciens pour la zone industrielle notamment. On a une école de la marine marchande qui est maintenant une grande école nationale supérieure des affaires maritimes. Bref, on se développe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Le Havre n'a pas une tradition de pensée scientifique. Et pourtant, ça marche. Elle a eu une tradition, au début du 19e siècle, de culture naturaliste. Ça, c'était extraordinaire. Tous les gens qui aiment la science et l'art, je les invite très, très sincèrement à aller voir les dessins du naturaliste Le Sueur, qui a été le premier conservateur du Muséum du Havre, et qui a fait une collection de dessins scientifiques sur les plantes, sur les animaux et sur les hommes. Découvert en Australie au début du 19e siècle, c'est le premier naturaliste qui a été en Australie. Et on a une collection de milliers de dessins qui sont les meilleurs témoignages de ce qu'a pu être l'Australie au moment de l'arrivée des Anglais et des Français, d'ailleurs, puisqu'ils sont arrivés ensemble. Finalement, les Anglais sont restés, voilà. Donc, mais s'ils n'ont pas de culture, et ben c'est pas grave, ça prend. Parce que quand vous êtes une ville de production, la science, ça existe. Et puis parce qu'on vit dans un monde où la science, ça existe. Et puis les habitants du Havre viennent. C'est eux qui viennent principalement. Ah bah c'est eux qui viennent principalement, oui. Cela dit, si ceux qui nous écoutent ne sont pas à vrai, ils sont les bienvenus aussi. C'est gratuit. Ça leur permettra de découvrir le Havre s'ils ne le connaissent pas. Et on sera ravis de les accueillir. Mais vraiment ravis de les accueillir, d'ailleurs. Mais le public à vrai est venu la première fois. Et je sais qu'ils vont être beaucoup plus nombreux cette fois-ci. Parce que j'ai bien vu la bonne surprise et l'intérêt. Et c'est dit quelque chose qui est finalement assez réjouissant et assez joyeux sur notre société. Il y a mille raisons de s'inquiéter, vraiment, vraiment. Mais je trouve qu'il y a encore des réserves de curiosité intellectuelle, d'envie d'apprendre, d'envie de comprendre, qui font chaud au cœur. Merci Édouard Philippe d'être venu à la conversation scientifique. Vous avez effectivement dopé notre désir de science, à la fois en tant qu'ancien Premier ministre et en tant qu'actuel maire du Havre. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Tout de suite, nous écoutons la chronique d'Alexandra Delbault avec science. La mission Osiris Rex va faire son grand retour sur Terre ce dimanche après un voyage de tout juste 7 ans. Mais la capsule ne rentre pas seule. Elle est chargée d'échantillons de Bennu, un astéroïde qui orbite à quelques 85 millions de kilomètres de la Terre. Ce n'est pas la première mission à s'aventurer vers des astéroïdes. Il y a eu Hayabusa 1 sur Itokawa, Hayabusa 2 sur Ryugu. Mais ce qui diffère, c'est que c'est sa mission principale. Osiris Rex doit rapporter des échantillons et les meilleurs possibles. C'est-à-dire un ensemble de grains de poussière qui représente au mieux cet astéroïde. Alors comment a-t-on récupéré des morceaux de Bennu ? Eh bien, pendant 2 ans, la capsule lui a tourné autour, elle a pris des photos, puis elle a déplié un bras télescopique de 3 mètres de long, au bout duquel se trouve le cylindre de récolte. Elle est descendue lentement vers la surface et finalement, elle a projeté un jet d'azote pour souffler les poussières et récolter autour de 200 grammes d'astéroïdes. Ces échantillons vont nous permettre de répondre à des grandes questions sur la formation de notre planète et sur celle de notre système solaire. Patrick Michel est l'un des investigateurs de cette mission et il publie un récit de ses aventures intitulé « À la rencontre des astéroïdes » à paraître le 11 octobre prochain aux éditions Odile Jacob. C'est d'abord quelle était la composition initiale du système solaire avant même que les planètes se forment. Les planètes, elles ont une composition qui a été altérée, qui a évolué au cours du temps parce que le matériau qui les a constituées a été chauffé, donc s'est transformé chimiquement comme un gâteau qu'on met dans un four. Et à l'origine, ce matériau, c'était ces petits astéroïdes qui, à l'inverse des planètes, n'ont pas grossi suffisamment pour produire ces processus d'échauffement. Donc, ils ont gardé la mémoire de la composition des ingrédients initiaux qu'ont formé les planètes. Donc, en fait, ils nous permettent de remonter le temps. Ensuite, il y a l'émergence de la vie sur Terre, puisque on a choisi l'astéroïde Bennu parce que sur la base des observations depuis la Terre, on pense qu'il est potentiellement riche en carbone, en matière organique et en minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui ont vu l'eau. Et donc, on cherche à comprendre si ces astéroïdes ont pu apporter à la fin de la formation de la Terre, lorsqu'elle a subi beaucoup d'impact, les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Et cette mission a réservé beaucoup de surprises. D'abord, la surface de Bennu est bien plus rocheuse qu'on aurait pu l'imaginer. S'approcher de la surface a donc été un défi, d'autant qu'elle est aussi beaucoup plus molle que prévu, comme si les grains d'astéroïdes n'étaient pas vraiment soudés ensemble. On ne sait d'ailleurs pas encore totalement comment l'expliquer, mais c'est ce qui a permis de récupérer autant de poussière. 200 grammes pour un objectif de 60. Le prochain défi maintenant, et le défi principal, c'est le retour sur notre planète, et tout va se jouer en 13 longues minutes. La capsule est conçue pour aller jusqu'à une vitesse limite dans l'atmosphère. Elle va fortement chauffer à un certain angle. Donc, il y a vraiment une grande précision qui doit être atteinte pour s'assurer que on déploie la capsule sur sa bonne trajectoire pour qu'elle rentre dans l'atmosphère. Puis une fois qu'elle sera dans l'atmosphère, il y a encore un premier parachute qui doit s'ouvrir, puis un deuxième un peu plus bas parce qu'évidemment, il faut la ralentir pour qu'elle puisse atterrir dans le désert de l'Utah. Et à partir de là, ça doit aller assez vite puisqu'il faut s'assurer que les échantillons vont pas être contaminés. Et il y a eu de nombreux exercices par l'équipe en charge de cette opération déjà dans le désert de l'Utah. Et donc, il va falloir transporter cette capsule d'abord par hélicoptère dans un centre militaire à proximité pour justement la protéger dans un centre de conservation et ensuite par avion à Houston pour pouvoir commencer à faire toutes les manipulations pour après pouvoir distribuer les échantillons à l'équipe. Ensuite, ces échantillons vont être dispatchés, distribués à tout un tas d'équipes scientifiques, dont une petite fraction Cocorico en France. Quelques grains seront reçus en octobre à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, mais la plus grande portion, presque les trois quarts, sera conservée pour une distribution internationale ultérieure et pour les futures générations de cosmochimistes. En attendant que nos instruments gagnent en précision et en performance, et donc si cette mission touche bien à sa fin, elle va encore occuper de nombreux scientifiques pendant des dizaines d'années. Merci Alexandra. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Flavien Andrisiak et à la réalisation Margot Page.